espoir. Jamais que celui qu'on aime nous tourne le dos et que nos problèmes nous pèsent trop. Quand toutes nos larmes s'écoulent et que nos âmes s'écroulent, quand on ne sait plus trouver le chemin, que rien ne va plus, trop de chagrin. À cet instant où le malheur nous prend trop grand, que la douleur nous met KO, et sans l'espoir de te revoir, je ne suis plus qu'une ombre noire éternellement. Reviennent nous hanter sans aucune trêve. Quand on voudrait s'évader, quand on voudrait oublier, mais que nos cœurs à jamais piégés, sans cesse nous rappelle notre ancien bonheur. À cet instant où le bonheur nous prend trop grand, que la douceur nous met KO, dans l'espoir de te revoir, je ne suis plus que l'ombre noire te suivant éternellement. Lorsque pour te retrouver, je suis prête à tout quitter, et ma maison, ma maison, et mes parents. Trop grand, et ma raison, et mon bois, et mes amis, mes inconforts aussi, mes habits et ma peur. Car dès l'instant où je te vois, tout va, et ton sourire me met KO. Sans ton amour, je ne sais plus aimer vivre. À cet instant, je t'attends, et pour la vie, je t'attends à cet instant.